feed relative. Garçons et dames, bonsoir, c'est DDN dans Le Vide Relatif sur Rage 88.3. On commence tout de suite avec le même groupe qui a clos l'émission la dernière fois, c'est-à-dire Jasmin. Comme ça, on aura l'impression que les émissions se suivent. Thank you. Alors ce genre de truc, il paraît que ça s'appelle du post-rock, ça a été vulgarisé il y a quelques années par des groupes comme Tortoise, et puis maintenant ça existe encore. Enfin, il faut toujours être post quelque chose, en ce moment c'est le post-hardcore, on se demande bien ce que ça peut être ça, le post-hardcore. Tiens, ce soir, on va écouter plein d'électro. On va notamment écouter plein de dubs, et pour rester sur le même label que précédemment, c'est-à-dire sur 12 Rec, je vous propose Engine 7. Thank you. Alors autant vous prévenir tout de suite, ce soir ça va être majoritairement une émission pour les gros mous. Enfin, pas absolument tout à fait. On va passer deux titres de métal, vous verrez ça tout à l'heure. Un qui est pour les gros mous et l'autre qui est pas pour les gros mous. Tiens, aux États-Unis, il y a Zero Moon. Zero Moon, c'est un label qui sortait quasiment que des CDR et qui pendant un moment a fait toute une série de CDR de 3 pouces. Vous savez que j'adore les CDR de 3 pouces, qui étaient tous très bien. Alors comme ils étaient tous très bien, je vais vous en passer deux. Et on commence tout de suite par Normal Music. Et ça, c'est du dub. Et c'est bien. Thank you. Bon, on va pas dire que c'est d'une originalité folle quand même, ça ressemble quand même beaucoup à Poleu, le précurseur du genre en Allemagne, cette espèce de dub avec plein de clics, plein de nappes par-dessus, bref, enfin, Poleu, c'est pas mal. Mais ça, c'est bien, c'était Normal Music, Zero Moon, c'est facile, c'est www.zeromoon.com. Ce qui suit, c'est toujours sur Zero Moon, c'est Zavoloka. Tout ça est sorti il y a environ 3 ans. Zavoloka, c'est une dame. Elle est d'un pays balte, je crois que c'est l'Estonie. Et elle fait une espèce d'électro qui aurait bien sa place sur un plus gros label que ça. Thank you. Voilà, c'était Zavoloka. Si vous vous rappelez bien, je vous ai parlé il y a quelque temps de Tujiko Noriko qui est sur Mego. Vous n'avez pas encore acheté ses disques ? Eh bien, c'est bien dommage, parce que Tujiko Noriko, ça ressemble un peu à ça. Et puis, c'est bien aussi. Bon, connaissez Justin Broderick ? Justin Broderick, c'est le mec qui joue de la guitare et qui chante dans Godflesh. Enfin, qui jouait et qui chantait, parce que Godflesh, ça n'existe plus. C'est le mec qui a fait Techno Animal, c'est le mec qui a fait tout seul un album avec Andy Hawkins, le mec de Blind Idiot God. Bah, vous connaissez pas Justin Broderick ? Bon, c'est pas grave, c'est le moment de découvrir. Là, c'est le nouveau groupe de Justin Broderick qui s'appelle Jésus. Il joue avec Ted Parsons, l'ancien batteur des Swans, avant que les Swans se mettent à faire de la daube, de la grosse daube. Les Swans, ils ont fait des albums formidables, et puis après, ils ont fait de la drouille. Donc ça, c'est Jésus, c'est sorti sur Hydrahead, le label d'Isis, et évidemment le label d'Isis. Enfin, vous allez écouter, je sais pas trop quoi en penser, finalement. Vous me direz après. Et comment vous allez faire alors pour me dire après ? Bah, c'est simple. Ça vous a plu ? Ça vous a pas plu ? L'émission c'est nul ? L'émission c'est bien ? Vous voudriez savoir où c'est qu'on peut trouver les disques ? Tout ça, tout ça. Vous pouvez nous contacter sur forum.rage.fr et on aura peut-être bien un mail un jour. Bon, vous croyez qu'on allait s'en tirer comme ça, en écoutant que des trucs mélodiques, même dans le métal, que du super mélodique, et puis pas d'expérimental du tout, pas de trucs qui cassent les oreilles, tout ça, vous rigolez ou quoi, vous croyez sur énergie ? Bon, alors on va passer un peu les Chopsticks Sisters, c'est pas très facile à dire, c'est sorti sur 3 pattes Records, 3 pattes avec 3 T, parce qu'ils sortent que des CDR de 3 pouces, c'est mes copains, que des CDR de 3 pouces, c'est mes copains. C'est les Chopsticks Sisters, ça s'appelle... Jan Gab Akp ou un truc du genre impossible à prononcer dans une autre langue. Ça rappelle un peu ce que faisait Joséphine Trueman il y a quelques années. Ça rappelle peut-être même un peu Diamanda Galas. Enfin bon, bref. Ça vous a plu ? Alors, le stoner, j'aime beaucoup ça. Ça tombe bien, c'est très à la mode en ce moment. Alors, ce que je vais vous passer, c'est Freak Flag. C'est un groupe de stoner américain qui est sorti sur Reality Impaired Records. On se demande bien ce qu'ils foutent sur un label de CDR qui tire à 30... parce que c'est quand même tout aussi bien que les ténors du genre. Tiens, à ce propos-là, un de mes amis m'a récemment fait remarquer le nouveau groupe du guitariste de Sleep. Sleep, c'était bien, ça c'était sur Earache, c'était il y a longtemps, mais c'était bien. Et puis ils avaient sorti plein de petits 45 tours et de 33 vraiment très très bien. Donc le nouveau groupe du guitariste de Sleep qui s'appelle Om, O-M, eh ben, ils ont sorti un album il y a pas longtemps qui est plutôt pas mal avec des titres qui font une quinzaine de minutes, là, qui sont tout le temps pareils pendant 15 minutes avec un mec qui chante. On se demande ce qu'il chante pour avoir autant de trucs à dire. Bref, ce qui suit, c'est Freak Flag. We'll be right back. Alors j'ai dit qu'on allait passer de l'électro, je vais essayer de pas mentir. Ce qui suit, c'est Martin's Trombone on the Moon. C'est une multi-collaboration entre des Français, des Anglais, des Japonais, tout ça. Le titre s'appelle Vostok, Vladi Vostok. Vous allez voir, c'est très rigolo. Toi, l'auditeur du vide relatif, toi qui es tout seul là, tu te manifestes jamais sur les forums. Eh ben, c'est bien dommage parce que comme ça, je sais pas que t'existes. Et comme je sais pas que t'existes, je sais pas à qui je parle. Et comme je sais pas à qui je parle, bah, j'ai plus tellement envie de continuer l'émission. C'est bien bête parce que moi, ça me plaisait bien. J'espère que ça vous plaît aussi. Et puis en plus, on se demande ce que vous allez foutre le mardi de 22h à 23h l'année prochaine si l'émission s'arrête. Vous allez être obligé de regarder la télé. C'est-y pas dramatique cette affaire. Voilà, le morceau final c'est Trilemma. Trilemma c'est un groupe anglais qui malheureusement a pas sorti grand chose parce que c'est quand même très bien ce qu'ils font, c'est très doux, c'est très calme, c'est très dans le ton de ce qu'on a passé jusque là. En plus ça ressemble à moitié à la bande son de La Croisière s'amuse. Ce titre là c'est le dernier, je vous quitte en vous souhaitant bien le bonsoir. C'était DDN dans le vide relatif. À la semaine prochaine.